I want you back. Ce sont les Jackson 5 qui veulent eux aussi, évidemment, le retour de président Chirac, la personnalité politique préférée des Français, selon un sondage paru cette semaine. Mais il est à parier qu'en ce moment, par contraste, tous les anciens présidents ont leur chance. René Coty, Gaston Doumergue et pourquoi pas Armand Falière. Enfin, il y a des limites tout de même. S'il y avait des circonstances difficiles ou s'il y avait des problèmes graves qui se posent à notre pays, vous pourrez toujours compter sur moi. Oui, bon ben, on va tous plutôt compter sur nous-mêmes, hein. Enfin, passons, puisque les cloches nous annoncent à 11h11 qu'il est l'heure pour toi de te vautrer confortablement pour amorcer ensemble les modestes aventures laïques de ce 159e épisode du Mangin Palace. Et, comme l'exige notre malicieuse liturgie, débutons par notre petite session freudienne, en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, avec qui, une fois encore, nous avons concentré notre analyse cette semaine sur la cinéphilie de nos leaders politiques, avec ce matin Jean-François Copé, le patron des députés UMP à l'Assemblée. Et avant couper ses moteurs, allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Magnifique ce bureau, très chic. Jaloux cette baraque, alors on s'en fout. Le cinéma, pour vous, qu'est-ce que c'est ? J'adore aller au cinéma. Et c'est vrai que quand on a des vies suroccupées... Vous ne trouvez pas que vous poussez un peu ? C'est toujours un loisir et parfois même, j'ose le dire, un luxe. Ça, c'est la plus belle ! Si je reste foutu. J'y passe une soirée, donc j'adore le cinéma. Est-ce que vous aimez pleurer au cinéma ? Pas du tout. D'abord, je déteste pleurer, comme je suis hypersensible. En plus, j'ai une tendance assez naturelle à verser une larme. Un de ces jours, il faudra vraiment que vous nous disiez ce que c'est, votre truc. Donc moi, j'adore me marrer au cinéma. Bon. J'assume d'ailleurs, je sais que c'est pas très chic, pas très intellectuel, tout ça. Enfin, je suis content que ça vous panique pas, déjà. Mais j'adore me marrer au cinéma. Donc vous allez voir des comédies ? Le plus possible, ouais. Une comédie qui vous est constamment La référence absolue, je suis désolé, je l'assume aussi, c'est le Père Noël. C'est très bien ça, un chef a-t-il besoin de tant de cervelle ? L'essentiel est qu'il ait de la voix. Hein. Le Père Noël est une ordure, c'est un truc que j'ai revu 2 milliards de fois, j'invite même les copains chez moi pour la revoir, on se la refait, on se la joue, c'est le film culte absolu. Nous devons nous adapter au marché, alors à la trappe, les documentaires, les classiques, nous devons aller au plus simple. Moi j'ai toute une bande de copains avec lesquels on se répète des tirades entières. Tu as déjà été dans une salle de gymnastique ? Malheureusement ceux qui ne sont pas aussi initiés perdent un peu le fil. Je vous vois bien dans le rôle de Christian Clavier, non ? J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Oui, alors Clavier, évidemment, je suis un inconditionnel absolument total. Rien, une impression de déjà vu. Par ailleurs, le western, les grands genres de cinéma, est-ce qu'ils ont sculpté votre enfance d'une manière... Oui, absolument. Tout ce qui est grand public, j'ai été voir, revoir, j'ai adoré, y compris les western spaghetti, tout ce qui est Terence Hill et Bud Spencer, c'est très con, mais j'adore. Ah bah, ça vient de là, alors. Jean-François Copé, vous êtes un des jeunes du RPR. Ça fait un sacré bail. La question sous-jacente, c'est qu'il y a une nouvelle vague sensible au RPR, comme il y en a eu dans le cinéma français ? Je vous vois venir. Oui, la réponse est oui. Et la nouvelle vague, elle est en train, petit à petit, de grossir. Depuis, vous avez quelques problèmes. On est élus, on a envie, nous aussi, de changer les choses en politique. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de réalités à développer, il y a plein de langues de bois à tordre. Et qu'avez-vous fait pendant tout ce temps ? Disons qu'il a pris un petit peu de temps pour recharger sa batterie, comme on dit. Et c'est à la jeune génération de le faire. Ouais. Ça peut passer par le cinéma, ça. Vous conviez de temps en temps à voir des films ensemble ? Bon, et puis alors, allons-nous poltronner et mater un porno ? Non, honnêtement non. Non, en politique, il y a un truc qu'on adore, c'est se faire des bouffes. Parce que c'est le moment où, en mangeant et en buvant un coup, on se refait le monde entre nous, on rigole, parfois on s'engueule aussi. On croirait qu'il sort tout droit d'une série pour ados. Mais ça, c'est le moment génial de convivialité. Jean-François Copé, je vous remercie. Qu'est-ce qui me récite des proverbes, celui-là ? C'est pour ça que vous l'avez fait venir ? Eh ben voilà. Le chef des députés UMP à l'Assemblée se fait son cinéma, genre technicolore et grosse production, ce qui ne semble pas être du goût de notre président, le pauvre, aujourd'hui enquiquiné plus par ses amis que par ses ennemis, à grands coups de loi Hadopi foirées, de temps de parole limités et de politiques critiquées. C'est clair, il va avoir besoin de vacances, notre président. Et nous, ce matin, à la panique, pour l'aider à trouver un séjour moins bling-bling que le Cap-Nègre de Carla ou que les somptueux bateaux de ses poteaux, nous avons décidé de jouer les tours opérateurs pour un pays que trop souvent on ignore, la Corée du Nord, dont voici l'hymne national. Non, non, non, non, non, non. Marco, give peace a chance. Arrête les conneries. Et envoie-nous l'authentique hymne national de la Corée du Nord. La Corée du Nord, la dernière grande dictature ouvertement stalinienne, c'est un grand et beau pays fermé, autoritaire et totalitaire, mais à découvrir, car elle est belle, la Corée. Et on y est bien. Il y avait un truc, c'est que je me sentais bien. Dès le début de la Corée, je veux dire, tous les déplacements et tout, ça correspondait bien. Allez, on y va. Kick à droite, step derrière, devant, referme. Kick à gauche, step derrière, devant, referme. Ensuite, on enchaîne le pied devant, côté, derrière, referme. Devant, côté, derrière, referme. On peut faire la même chose en sautant. Kick, kick, kick, serre. Kick, kick, kick et serre. Superbe Corée, où il vaut mieux connaître les pas pour ne pas se prendre une danse. Alors bien sûr, la panique est consciente de l'angoisse que tu peux ressentir à l'idée de passer des vacances en Corée du Nord, un sentiment très répandu d'ailleurs. Je dois partir dans le Nord. Et c'est comment la vie là-bas, tous les jours? Je veux dire, c'est tranquille, non? Dur, dur, dur. Il n'y a que ceux qui sont dans le charbon qui vivent bien. Les autres, c'est que des miséreux. Puis ça meurt jeune là-bas, ça meurt très jeune. Heureusement, ma mère est redescendue dans le sud. J'avais 10 ans, je supportais plus le froid. Il fait très froid. En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te fout du moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. La Corée du Nord est une des plus terribles dictatures au monde qui opprime sa population et qui titille ses ogives nucléaires. Mais c'est comme pour tout. Face à l'adversité, il faut voir le bon côté des choses et imaginer que tout cela n'est qu'un jeu. Et c'est par l'intermédiaire de haut-parleurs que votre enseignant s'adressera à vous toutes les 6 heures. 4 fois par jour. Il vous dira quelles sont les zones que vous devez absolument éviter et à partir de quelle heure. Si jamais vous vous trouvez dans ces zones, fuyez le plus vite possible. Sinon, votre vie sera en danger. D'ailleurs, vous pouvez constater que vous portez autour du cou de jolis colliers. Ces colliers ne craignent pas l'eau. Vous ne pouvez pas les enlever, vous les porterez en permanence. Ils nous sont très utiles. Grâce à eux, nous mesurons votre pouls à chaque instant et puis ils nous indiquent votre position en temps réel ainsi que le moindre de vos mouvements. Si vous traînez dans une zone interdite, si votre attitude est suspecte ou si vous nous causez des ennuis, alors là, l'ordinateur vous identifiera et par ondes hertziennes, le collier recevra un ordre précis exécuté sur le champ et boum, il explosera. Il est programmé pour exploser, alors vous allez me promettre de ne pas y toucher, d'accord? Vous avez des questions à poser avant de commencer? Oui. Si on survit, on pourra rentrer chez nous? Oui, bien sûr. C'est évident. Mais il n'y en aura qu'un. Bien sûr, en Corée du Nord, c'est comme ça, il n'y en a qu'un. C'est Kim Il-sung, celui qui a fondé le régime en 1948... et qui nous a quittés en 1994. Un grand stalinien nous quitte. Kim Il-sung est mort à l'âge de 82 ans. Il a passé plus de la moitié de sa vie à la tête de la Corée du Nord. La situation semble calme aujourd'hui à Pyongyang, mais les Américains sont inquiets. Le successeur désigné, le fils Kim, passe pour un déséquilibré. Grand leader, héros invincible, génie de la création, étoile polaire de l'humanité, Kim Il-sung est mort. Tous ces titres, ce lyrisme imposé, donnent une idée du culte de la personnalité qui était en vigueur en Corée du Nord. La dépouille du grand leader approche, ce n'est pas vrai. Grand leader, tu ne peux pas partir sans nous, tu ne peux pas nous abandonner. Mais non, Kim Il-sung n'a pas quitté la Corée du Nord, puisque même mort, il demeure le président perpétuel. D'ailleurs, sa tronche est affichée partout. Et c'est donc son fiston, Kim Jong-il, qui dirige aujourd'hui la Corée du Nord. Mais bon, ça, tout le monde le sait, même les mômes. Ils ont quel âge, ces enfants ? Cinq. Est-ce que je peux leur poser une question à travers madame ? Est-ce que tu sais qui est le leader de ce pays ? C'est le maréchal Kim Jong-il, grand dirigeant. Qui est le grand dirigeant, ouais, d'accord. Mm. Qui était son papa ? Et tu sais qui était son papa ? Le généralissime Kim Il-sung, grand leader. Ah, ces grands leaders nord-coréens. Sans doute parmi les fossiles les plus dangereux du stalinisme. Car pour les vacances en Corée du Nord, tu n'as pas à t'inquiéter pour ton pouvoir d'achat, puisqu'il n'y a rien à vendre, sinon de jolis portraits et de belles figurines des grands tarés qui sont au pouvoir. Hélas, parce que pour la population, c'est surtout restriction et famine, car la Corée du Nord ne survit que par l'aide internationale. Mais moi j'ai faim. Quand on a faim, on boit un petit bol d'eau chaude et ça passe. Oh, quelle horreur. Faut dire que c'est injuste, moi je dévore puis je brûle tout. Franchement, comment il me va ? Comme un gant. Et fais bien sortir ton bronzage. Lily, sois sincère, je suis pas trop grosse. Oh, pas du tout, t'es parfaite. Il est mortel ce maillot, non ? Mortel. Mortel. Voilà sans doute l'adjectif qui convient le mieux à la dictature nord-coréenne où l'on trouve tous les ressorts d'un totalitarisme monstrueux à coquiner avec le voisin chinois, mais où, comme dans toute dictature, l'humour reste l'ultime forme de résistance. Le donjon salon SM et torture, bonjour, j'écoute. Oui, bonjour, ce serait pour louer une salle de torture samedi. Oui, alors samedi, je regarde. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je vous réserve comme accessoire ? Non, merci, je viendrai avec mes propres accessoires. Très, très bien, ben je le note. Alors, je le note à quel nom ? Maître Yoda. Yoda. Et voilà, la Corée du Nord fait peur et a raison. Mais bon, comme là-bas, il n'y a pas de pétrole, l'urgence d'une intervention ne se fait pas ressentir. D'autant plus que le veto chinois plane et que les Nord-Coréens ont l'arme nucléaire qu'ils agitent régulièrement pour se rassurer et nous provoquer. Et oui, c'est loin, ça fout les jetons, et face à la prolifération du nucléaire militaire, d'un coup, notre nucléaire civil, si bien maîtrisé, semble bien inoffensif. La centrale de Crémalville est restée en alerte rouge pendant plus de 2 heures mercredi dernier. Fissure dans le cœur du réacteur atomique, au dire des Verts, affirmation aussitôt démentie par son directeur. Non, écoutez, soyons clairs, l'alerte n'était due, quoi que peuvent en dire certains, qu'à une panne de la hotte d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autres apocalypses. Alors je dirais que s'il tombe en panne, ce système automatique, eh bien nous avons également le système manuel qui est ici, c'est ce bouton. Si j'appuie, ça retentit dans toute la centrale, dans un bruit assourdissant. Si vous voulez, on fait un essai tout de suite. Attention. Je crois que... Attendez. Ah non, il ne se passe rien. C'est juste un léger problème. Cela dit, si le système manuel ne marche pas, nous avons également la clochette pour avertir nos camarades, qui est tout aussi efficace, même si elle est rudimentaire. Non, en conclusion, je dirais que le nucléaire, c'est une question de... My heart's beating, my mind, God's beating back too. Fallujah, c'est le diamant sonore que nous offre ce matin le groupe Molécule. Une sublime composition mélodieuse, pleinement recommandée par le Mangin Palace. Alors maintenant, après notre fantaisiste escapade nord-coréenne, où il fait si bon vivre, la panique au Mangin Palace ouvre sans plus attendre, à 11h27, sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, sache que ce fut en 1949, il y a donc 60 ans cette année, que Simone de Beauvoir publia Le Deuxième Sexe, l'une des œuvres les plus célèbres et les plus importantes du mouvement féministe. Simone nous démontrait avec brio que notre société phallocrate éduque les femmes dès leur plus jeune âge à renoncer à leur liberté afin qu'elles puissent totalement s'épanouir dans les arts ménagers. Ainsi, figure-toi qu'à l'occasion de ce 60e anniversaire, nos joyeux fantômes radiophoniques ont reçu la visite jeudi dernier d'un curieux personnage, théoricien iconoclaste de la Genèse. Alors écoutons attentivement l'étonnant récit de notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, nous étions très perturbés. Jeudi soir, un célèbre sexologue, le docteur Maestro, est venu nous raconter l'apparition du deuxième sexe. Nous pensions entendre une nouvelle fois l'histoire d'Ève, créée à partir de la côte d'Adam. Mais pas du tout. C'est une histoire bien plus étrange qu'il nous a racontée. Ah, tu es là ! Bonjour, je m'appelle Maestro. Bienvenue sur la station Il était une fois. Tu vas découvrir la formidable histoire de l'humanité. Il était une fois l'homme. À l'origine, il n'y avait pas d'hommes, mais il y avait des femmes. Pour parler de moi-même uniquement à titre d'exemple, je dirais que c'est plutôt assez misogyne. Les femmes, telles qu'elles sont, telles que la société les a faites, car Simone de Beauvoir dit bien justement que si elles sont ce qu'elles sont, c'est que la société les a faites ainsi. Les femmes m'ennuient assez souvent, leurs confidences, leurs revendications, l'incomprise, la femme malheureuse, bon, je trouve qu'il y a d'autres problèmes plus intéressants. Eh bien, le livre de Simone de Beauvoir, qui est extrêmement sévère, est en même temps tellement plein de bienveillance que depuis que je l'ai lu, je me sens beaucoup plus capable d'écouter les femmes, de m'intéresser à elles et de comprendre leurs problèmes. Donc, à force d'être ensemble, les femmes ont inventé la parole. Puis il faut encore comprendre ce que ça veut dire, exprimer sa pensée. Bien entendu, n'importe qui peut dire ce qu'il veut à haute voix, enfermé dans une chambre, mais avoir le droit de s'exprimer. C'est aussi avoir le droit de se faire écouter par tout le monde. On pourrait très bien supposer une dictature d'un type un peu neuf qui défendrait tous les droits abstraits, mais en enlevant tout à fait soigneusement à tout le monde la possibilité de l'exercer. Et les femmes parlaient. Et plus elles parlaient, plus elles se transformaient. Bon, elle, je crois qu'elle a réussi à mobiliser un type de féminité assez intéressant, bon, peut-être un peu coincée, etc., mais pas salope, hein, enfin, et pas virile. C'est-à-dire qu'on l'a rarement accusée d'avoir des couilles, on l'a rarement accusée... Enfin, peut-être après le débat, j'ai vu quelques adjectifs. Forcément, quand une femme prend la parole dans l'espace public, les couilles lui poussent, ça, on le sait. Et de fait... Alors, pas au sens biologique du terme, bien sûr. Et pourtant, c'était un fait. Les femmes changeaient, au point que la nature... en était toute bouleversée. Immeubles effondrés, habitants terrorisés, le sud Baconie a connu lundi dans la nuit un tremblement de terre de 1 sur l'échelle de Couillu. Alors, Pénélope, rappelez-nous ce qu'est exactement l'échelle de Couillu. Avec plaisir, Maurice. L'échelle de Couillu, c'est l'unité de mesure que l'on utilise la nuit quand les habitants dorment sans leur slip. Degré 1, les couilles ballottent. Degré 2, on reçoit une couille dans l'œil. D'accord. C'était donc un tremblement de terre très fort, de degré 1, qui a donc fait trembler les couilles à tout le sud Baconie. C'est ça, Maurice, c'est ça, oui. Merci, Pénélope. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous savez, dès qu'il y a une blague sur les couilles, c'est un vrai bonheur pour moi. Et des bouleversements de la terre et du ciel, naquit le deuxième sexe. Entre les sexes, naîtront de nouvelles relations charnelles et affectives dont nous n'avons pas idée. Déjà sont apparues, entre hommes et femmes, des amitiés, des rivalités, des complicités, des camaraderies, chastes ou sexuelles que les siècles révolus n'auraient pas su inventer. Entre autres, rien ne me paraît plus contestable que le slogan qui voue le monde nouveau à l'uniformité, donc à l'ennui. Il est absurde de prétendre que l'orgie, le vice, l'extase, la passion deviendraient impossibles si l'homme et la femme étaient concrètement dissemblables. En tout cas, au vu des événements actuels, je me pose la question suivante. Les hommes ne sont-ils pas des femmes avec des couilles ? Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette nouvelle parenthèse poético-burlesque au cœur de Lina Tendue, qui nous révèle surtout ce matin que Dieu est une femme et qu'en réalité, dans le Jardin d'Éden, l'homme fut le deuxième sexe. À ce propos, il est temps pour nous de retrouver notre couple original, car c'est l'heure de notre décrochage régional. Voici donc nos actualités locales, direction Grosboule-les-Bains. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, à 11h33, rejoignons dès à présent notre petit village fleuri où nous attendent nos deux héros de la guerre de récession, Monique, la mine d'or, et Jean-Claude, la mine des confites. Car vois-tu, ces derniers jours, devant les revendications salariales de leurs employés, les 40 plus grands patrons de la région de Grosboule-les-Bains ont décidé, assez curieusement, de se rendre au domicile de tous leurs employés afin d'étudier réellement leur situation financière face à la crise. C'est ainsi que jeudi soir, vers 19h, le patron du Jean-Claude s'est pointé à la maison, flanqué de Jules-Édouard, le directeur du personnel. Alors Jean-Claude, tout de suite, ce qui frappe, c'est qu'ici, ça sent la thune quand même. Ça, c'est ma femme. Elle essaye un peu d'arranger l'appartement avec nos petits moyens. Oui, enfin, quand même, il y a une télévision dans le salon, il y a une télévision dans la chambre des enfants. Celle des enfants, c'est la gardienne qui nous l'a donnée. D'ailleurs, on ne capte que la une. Enfin, vous roulez quand même en BX, hein, une BX turbo diesel. On ne se refuse rien, Jean-Claude. Oh, vous savez, la voiture, c'est celle de mon beau-frère. Il est à l'hôpital depuis 6 mois et ma sœur n'a pas de parking. Elle me l'a prêté. Mais je peux pas rouler avec parce que je peux pas payer l'assurance. Ouais. Enfin, en tout cas, vous mangez bien. Hein. J'ai vu 2 gros sacs de pommes de terre dans la cuisine et puis le placard est plein de boîtes de conserve. Hein. C'est le Secours catholique qui nous l'a donné. Et attendez, si je comprends bien, tout ce qu'il y a ici, en fait, on vous l'a donné, quoi. Vous le voyez, Jules-Édouard, dans la vie, il y a ceux qui travaillent dur pour se payer une Mercedes ou une véranda. Puis il y a les autres, les petits malins, qui se font tout donner. Scandalisé par les propos du patron de Jean-Claude, Monique décide alors non pas de le séquestrer, mais de le foutre dehors, bien sûr. Cela dit, après cette visite, Jean-Claude a très bien compris qu'il n'aurait ni prime ni augmentation dans les mois qui viennent. Assurément, la cohésion sociale devient véritablement toute pourrie à Grosboule-les-Bains. D'ailleurs, vendredi matin, lors du discours hebdomadaire de Monsieur le maire, les villageois attendaient un signe du destin bien plus fort qu'une simple rhétorique optimiste. Grâce à vous, cette jeune cité va partir d'un pas ferme sur la route de la paix, de la prospérité, bref, de l'avenir. Ils tourneront leurs yeux vers un passé glorieux et ils diront comme nous, merci, grâce à vous, cette jeune cité va partir d'un pas ferme sur la route de la paix, de la prospérité, bref, de l'avenir. Alors, ils tourneront leurs yeux vers un passé glorieux et ils diront comme nous... De l'or ! On a trouvé de l'or dans les collines ! De l'or ? Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains ? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or ? Oui, incroyable nouvelle. Dans les collines, à l'ouest de Grosboule, dans les gorges de la rivière, a été découvert un filon aurifère. En pleine récession, c'est la ruée vers l'or offerte à tous. Jean-Claude exulte, car voilà bien longtemps qu'il n'attendait que ça. Oh. très vite, le Jean-Claude monte une expédition. D'ailleurs, il possède déjà tout le matos. La besace de son fils en bandoulière, les cuissardes de Monique au pied et une passoire à nouilles pour faire le tamis. Et accompagné de son beau-père Alphonse, il fonce en direction des collines à la recherche des pépites et de la fortune. Seulement voilà, une fois sur place, Jean-Claude s'aperçoit très vite que la folle rumeur a gagné tout le pays. Je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venus de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays. Dans le métal et le bruit, moi je pense à la cavalerie. Moi je pense à la cavalerie. Oui, c'est une authentique ruée vers l'or. Cela dit, malgré la cavalerie des chercheurs d'or, Jean-Claude décide de faire confiance à son frère de renard et propose alors à Alphonse de remonter en amont la rivière de 3 km. Mais après avoir charrié du sable pendant plusieurs heures, avec de la flotte jusqu'aux genoux, nos deux pionniers sont un peu découragés. Jean-Claude est même désespéré quand soudain Alphonse sursaute. Putain, c'était quoi ça ? C'est quoi ? J'ai fait référence à cette énorme explosion sous l'eau. Quoi ? T'as une idée de ce que c'est ? Ton truc cassé, là, c'est sûrement un morceau d'assiette d'un resto-route. Tu as une idée de ce que c'est, mourant ? Ça y est ! Ça y est, bon sang, je ne crois pas, ça fait 8 ans que je le cherche. 8 ans ! Hein ? Oh, Seigneur ! Oh, merci. Oh, mon trésor, je savais que t'étais là. Oh, oui, tu es là. Oui, entre les mains du Jean-Claude, sous ses yeux ébahis, une énorme pépite qui scintille. Discrètement, il la glisse dans sa gibecière et redescend en direction du village. Seulement voilà, chemin faisant, Alphonse et Jean-Claude tombent nez à nez sur les 40 plus grands patrons de la région qui traînaient eux aussi dans le secteur, avec à leur tête le boss du Jean-Claude. Je suis le capitaine de cette bande. Nous sommes ses fidèles. Je vous les recommande, avec une armée de gaillards comme ça. Sur toute cette région. Nous imposons la loi. Sans morale. Sans scrupules. Aussi sans réfléchir. Tout ce qu'on veut, c'est simple. Simplement s'enrichir. Et chaque jour un peu plus. Amasser les trésors. Alors écoutez-les bien, voici mes conquistadors. Nous sommes les 40 voleurs. À 40, on n'a pas peur de toucher de la lune, de cacher le salir. Les 40 plus grands patrons de la région exigent alors sur le champ que Jean-Claude ouvre son sac, car il est de leur devoir, bien sûr, de confisquer toutes les richesses. Jean-Claude se sent pris au piège quand tout à coup, les autres pionniers présents sur la colline déboulent pour prendre la défense de nos deux compères. C'est la Bérésina pour les 40 voleurs qui prennent la fuite dans les sous-bois, excepté le grand patron du Jean-Claude que les insurgés ont appréhendé avant de le séquestrer dans un cabanon de chasse paumé sur la colline. Attendez. Non, revenez, non. Monsieur, s'il vous plaît. Dites-moi seulement pourquoi on m'a enfermé ici, s'il vous plaît. Je vous en supplie, dites-moi pourquoi. Pourquoi ? J'ai quand même le droit de savoir, non ? Monsieur, non, partez pas. Dites-moi où est-ce qu'on est là. Bon, d'accord, mais dites-moi au moins, quand je pourrais partir, pitié, allez, répondez-moi. Combien de temps je vais rester dans ce trou, non ? Je vous jure que je vous insulterai plus, je crierai plus. Dites-moi seulement que je sortirai dans un mois, dans 2 mois. Hé, où tu vas ? Reviens ! Non, pardon, excuse-moi. Revenez, s'il vous plaît, répondez-moi. Putain, réponds, connard, espèce d'enfoiré ! Effrayé par cette insurrection populaire, mais également soucieux de mettre un terme à cet orpaillage illégal, les 40 cadors de la région ont décidé vendredi soir de réclamer l'intervention de celui qui veille au bien-être des grands patrons et à qui on fait appel quand il n'y a plus de solution. Fin de l'histoire. Nicolas Sarkozy, lui, fonce vers un site d'orpaillage, une saignée de 6 km, pour extraire le plus précieux des métaux. Une ruée vers l'or, synonyme d'immigration clandestine aussi. Du tout répressif, encore et toujours, Nicolas Sarkozy, en superviseur en chef, savoure le travail des gendarmes. C'est la République qui est en avancée. Dans cette forêt, on ne peut pas être submergé à la fois par les trafiquants d'immigration clandestine, les trafiquants d'or, le procureur de la République qui était là me signalait il y a quelques instants que tout est lié et que bien sûr l'ensemble des trafics nourrissent d'autres trafics. On ne peut pas le tolérer, on ne peut pas l'accepter. Bien, alors maintenant, toujours en direct avec toi, après avoir découvert que les Gaulines de Gros-Boule-les-Bains regorgent de pépites d'or, mais qu'il est bien dangereux d'y faire fortune, il est temps dès à présent à 11h42 de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Avant tout, figure-toi que mardi prochain, le 21 avril, s'ouvre au Brésil l'année de la France qui fait suite à l'année du Brésil en France qui, souviens-toi, avait connu un succès retentissant il y a 4 ans. Et, décidément, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, est en passe de devenir l'homme de Rio, puisqu'après le carnaval des Carioca, nous allons le retrouver, pépère, sur la plage de Copacabana, à la rencontre de Sylvestre Campé, un caméraman franco-allemand qui vit et travaille au Brésil depuis plus de 20 ans et qui est l'arrière-petit-fils de Paul Claudel. Ainsi, chers amis, juste après la virgule, découvrons cette évocation des liens franco-brésiliens. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Alors on est ici à Rio, au Brésil, et c'est l'année de la France au Brésil. Qu'est-ce que ça veut dire déjà pour toi? Alors, la France, elle a une présence assez importante culturelle ici jusqu'au début du 20e siècle, parce que la langue élégante, c'était le français, toute la culture élégante, c'était la culture française, la musique, les habits et tout ça. Et tout à coup, ça a commencé à changer et c'est devenu l'anglais. Édition Brasil américain. Ah, you speak English? Non. Française? Non. Italienne? Non. Seulement portugais? Si, si, portugais. Bon, une autre fois, hein? Est-ce que notre président, est-ce que Nicolas Sarkozy est connu ici au Brésil? Oui, Nicolas Sarkozy, il est connu parce que il fait très style brésilien, je veux dire, avec sa jeune et belle femme. Il est quand même une personne assez charismatique, il est un peu plus jeune, il est quand même pas Chirac. Mais les Brésiliens, ils aiment ça. Mais c'est la vie qui est difficile. Et si on veut un métier facile, on ne fait pas président de la République ou président du Brésil ou président de la Commission. De toute manière, les difficultés sont là. Lula et moi, on n'est pas du même continent, on n'a pas les mêmes histoires. On n'est pas forcément du même courant politique, mais moi je peux dire une chose, on s'est toujours compris. Parce que quand il parle, je comprends. Parce que quand il parle, c'est pour dire quelque chose. Il y en a tellement qui parlent pour rien dire. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. Il y a des Français qui font appel à toi pour filmer des émissions de télévision française, que ce soit TF1, M6, Canal+, qui font appel à toi en général. Quelles images ils veulent ramener du Brésil? Oui, les Français sont quand même assez positifs avec l'image du Brésil. Au fait, c'est pour quelle télé? C'est pour la télé française. Ceux-là ont finalement la chance d'être vivants. Mais ce ne sont pas les trafiquants qui paient le plus lourd tribut. Les Français, quand même, ils font un mélange assez intéressant. Je veux dire, ils aiment beaucoup la joie brésilienne, la beauté. Ils sont très, très séduits par les Brésiliens. 3 jours avant l'intervention des policiers, nous nous étions rendus dans la favela du Petit Crocodile, dans cette zone que les Carioca surnomment la bande de Gaza. Mais naturellement, je veux dire, ils s'intéressent aussi beaucoup pour les problèmes sociaux ici au Brésil, parce que pour eux, c'est quand même bien de savoir, ah non, nous en France, tout marche très bien, et dans les autres pays, il y a plein de problèmes. Alors ça les rend confortables à la maison quand ils voient ça. Oi, tudo bem, pessoal? Tamo aqui ouvindo Panic, au Monjin Palace. Et domingo aqui no Rio de Janeiro, um dia maravilhoso, com muito sol, uma praia alegre. E isso, pessoal. Merci pour le soleil.

Ah oui. Alors tout d'abord, le mensuel Science et Vie lève le voile sur un mystère qui entoure le Schistocerca gregaria, plus connu sous son petit nom de criquet pèlerin. Ah, c'est le criquet pèlerin. Cet insecte timide et solitaire, nous dit le magazine, qui devient, comme chacun sait, un redoutable ravageur de culture quand il se regroupe avec tous ses potes, là, dans un immense essaim qui, en quelques heures, détruit tout sur son passage. Et c'est d'ailleurs dramatique. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser le gentil criquet à se regrouper pour manifester? Eh oui. Eh oui, c'est qu'est-ce qui peut pousser le gentil criquet à se regrouper? Eh bien, Science et Vie nous explique que tout réside dans le ganglion thoracique de la bestiole, là, qui sécrète de la sérotonine, une molécule qui donne le signal de la transition vers un comportement grégaire. Oui, mais qu'est-ce qui provoque la sécrétion de la sérotonine? Eh oui, c'est tout simplement le manque de nourriture. Ah. Conclusion, quand on est privé de moyens de subsistance, naturellement, ça provoque des regroupements vindicatifs. Excusez-moi Philippe, j'entends une remarque d'un auditeur d'Échirolle. Oui, je rappelle à tout le monde que nous entendons tout ce que vous dites à côté de votre transistor. Donc à Échirolle, dans l'Isère, un salarié de Caterpillar dit qu'il a des remontées de sérotonine en ce moment. On le comprend. Voilà, donc bon, il y a d'autres mystères hein, cette semaine qui ont été résolus dans la presse. Grâce au canard enchaîné notamment, on découvre ce mystère qui taraudait un agent de la police depuis un an. En 2008, cet agent avait consulté son dossier administratif et sur sa fiche de candidature au concours de lieutenant de police, il a découvert écrit en rouge à la main « arabe ». Ah oui. Alors bon, il a été intrigué. Il a écrit à Madame Alliomari, notre ministre de l'Intérieur, qui lui a donné la solution. C'était tout simple. Si arabe était écrit en gros et en rouge sur son dossier administratif, c'est tout simplement parce que c'est la langue étrangère parlée par le candidat. Voilà, voyons. C'est bien. Alors, excusez-moi, encore une remarque qui nous vient tout droit de la prison de la santé. Mais c'est Julien Coupa qui se dit soulagé d'apprendre que Michel Alliomari a réponse à tout. Et qui, au passage, aimerait bien connaître les explications de la ministre sur son emprisonnement, fondé sur un dossier vide, oui. Ou tout au moins dont personne ne connaît les charges. Voilà, donc comme quoi, c'est rassurant, il reste des mystères. Non résolus, en tout cas. Voilà, d'ailleurs, puisque nous parlons de Madame la ministre de l'Intérieur, un courrier de lecteur paru dans Télérama cette semaine. Un courrier intelligent, évidemment, puisque le lecteur de Télérama, ce n'est pas un mystère, est auditeur de France Inter. Alors, quelle remarque pertinente fait ce lecteur? Eh bien, en 2008, 600 000 personnes se sont trouvées en garde à vue en France. Ce qui fait 1% de la population. C'est hallucinant. 1%. C'est beaucoup 1% en garde à vue. Hein. Pardon, une remarque encore. Là. Samuel de Pont-à-Mousson, qui dit que parfois, l'état de droit s'arrange très bien avec les séquestrations. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, cette semaine, un sondage exclusif dans le Figaro. Question pourcentage nous apprend que 8 Français sur 10, 80% des Français, aimeraient changer de vie. Avec une ravissante conclusion du Figaro. Ah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les Français n'ont ni peur de l'inconnu, ni de l'aventure. Voilà, sans rire, ils y vont. Donc, bon, si on n'a pas la chance de profiter de la garde à vue de Michel Alliomari, on sait qu'on peut toujours compter sur Christine Lagarde pour nous faire découvrir l'inconnu et l'aventure. Allez. Merci. Voilà, alors, question inconnu et aventure. The Dallas Morning News du 9 avril dernier nous en apprenait une bien belle. J'adore vos journaux, moi. Oui, The Dallas Morning News. C'est une histoire qui concerne la petite Allison, 5 ans, qui a la particularité de nager en rond. Oui, Allison est une tortue de mer qui n'a qu'une seule nageoire à cause d'une attaque de requin. Aucun rapport avec les patrons. Et Allison a eu la chance de se voir offrir une prothèse par la Sea Turtle Incorporation de South Padre Island au Texas. Et donc maintenant, Allison nage tout droit. C'est une belle histoire. Comme quoi, avec un peu de bonne volonté, les progrès de la science sont bénéfiques pour la nature. C'est très beau. Mais une dernière information dans Libération de vendredi nous prouve qu'une nouvelle fois, la croissance sans limite a vraiment des effets négatifs sur l'environnement. Et c'est surprenant. Les spams, vous savez, ces courriers qu'on reçoit qui inondent nos boîtes mail, sont à l'origine de l'émission de 17 millions de tonnes de CO2, l'équivalent d'1,5 million de foyers états-uniens. Ah. Eh oui, si on prend en compte l'énergie pour faire le spam, le stocker, même l'éliminer, c'est 33 milliards de kilowattheures. Et surtout à côté des spams, si on rajoute la pollution provoquée par les flatulences des vaches, vous savez, 18% des émissions mondiales de méthane, là on a beaucoup de pollution. Mais sauf qu'avec les vaches, ça se mesure en kilowattheures.